on veut pas ça. Extrême droite, on veut pas ça. Extrême droite, on veut pas ça. Extrême droite, on veut pas ça. Extrême droite, on veut pas ça. Hé, jeune là. Oh, qu'est-ce que tu fous de jeune là? Hé, hey. Tu manifestes? Tu m'as fait une veste pour quoi là, mon petit gars? Va falloir peut-être arrêter là. Moi, à ton âge, tu sais, j'étais déjà au boulot à 14 ans, alors faudrait peut-être pas manifester pour n'importe quoi, là, mon petit gars. Tu te plains pour quoi, hein? Tu te plains, tu manifestes, là. Regarde-les. Manifeste, manifeste ta douleur, manifeste, manifeste ta douleur, manifeste, manifeste ta grandeur, manifeste, les manifestes, manifeste, manifeste ta douleur, manifeste, manifeste. Faut dire... Au lieu d'aller, tu sais, là, te bronzer ce jour-là, hein, mon petit gars? Hein? Il faisait beau, là, ce jour-là, quand il a fallu voter, là, machin chose, hein? Ah oui, hein? Oh, ben, on n'a pas pu aller voter, tu vas me dire, hein? Parce que quoi, il faisait beau? Hein? Et ben maintenant, tu te plains, et voilà, quelques années plus tard, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui sont passées, hein? CPE, CPE, hein? Comme ça, là, je sais pas quoi, là, hein? Eh ben, c'est bien fait pour ta gueule, mon petit gars! Eh, t'as qu'à manifester encore, hein? Manifeste, manifeste ta douleur, manifeste, manifeste ta grandeur, manifeste, manifeste! Eh, c'est vrai! Comme dit le vieux, les gars, il faut qu'on y aille! Allez! CPE, on n'a plus rien à chier. CPE, on peut même plus bouffer. CPE, on peut même plus bouffer. CPE, on peut même plus chier. CPE, on peut même plus bouffer. CPE, on peut même plus bouffer. CPE, on peut même plus chier. CPE, on n'a plus rien à bouffer. CPE, on n'a plus rien à chier. CPE, toujours en précarité. CPE, on est toujours dernier. CPE, on va pouvoir marcher. CPE, rien de capitule. CPE, on va peut-être voter le coup prochain pour pas rester sur sa fin. CPE, on s'en fout à la CPE. CPE, est-ce qu'ils eux sont bien planqués? Sont pas bien. Avec ces têtes de vous, c'est PE qui veulent te bouffer. C'est PE, j'y crois pas. C'est PE pour un pays de liberté. C'est PE, y'a pas d'égalité. C'est PE et la fraternité. C'est PE si on peut te baiser, même en beauté. Prépare la vaseline. Ça va glisser. C'est encore plus de suicides. C'est PE. Et j'arrête. Je vais me reposer. Avec mon CPE, je vais me reposer. On sera tranquille. On sera rien à bouffer. On a plus rien à chier. On a plus rien à bouffer. On a plus rien à chier. Mon dieu, quel entrain. Eh ben dis donc. T'y crois, ça se voit, hein. Allez. Et play. On n'entend plus parler. Même là où la flore a tout balayé. On sait plus à quelle raison. Rien à raconter, mais où est la peur qu'on vous fasse trembler? Qui font la course aux étoiles. je ressens chemin une sorte de